Opinion, sans phare, aujourd'hui, avec une lettre ouverte à l'Agence européenne des médicaments, EMA. Les survivants de l'Holocauste exigent l'arrêt de la vaccination. Avant l'autorisation prévue du vaccin Covid en Europe, des survivants de l'Holocauste et leurs descendants ont remis une lettre ouverte à l'Agence européenne des médicaments, EMA, le 25 août 2021. Ils y demandent l'arrêt immédiat du programme de vaccination et mettent en garde contre un nouvel holocauste à une échelle encore plus grande. CLA TV a décidé de rendre publique cette importante voix dissidente. Vous trouverez ci-dessous le texte original de la lettre. Chères mesdames et messieurs, nous, survivants des atrocités commises contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, nous nous sentons obligés d'obéir à notre conscience et d'écrire cette lettre. Il est évident pour nous qu'un autre holocauste à plus grande échelle se déroule sous nos yeux. La majorité de la population mondiale ne comprend pas encore ce qui se passe, car elle n'a jamais expérimenté, même de loin, un crime organisé d'une telle ampleur. Nous, par contre, nous savons. Nous nous souvenons du nom de Joseph Mengele. Certains d'entre nous ont des souvenirs personnels. Nous avons une expérience de déjà-vu, si horrible que nous nous levons pour protéger nos chers concitoyens. Parmi les innocents menacés figurent désormais des enfants et même des nourrissons. En 4 mois seulement, les vaccins Covid-19 ont tué plus de personnes que tous les vaccins disponibles réunis depuis la deuxième moitié de l'année 1997 et la fin de 2013, soit une période de 15 ans et demi. Ce sont les personnes âgées de 18 à 64 ans qui sont les plus touchées, un groupe qui n'apparaît pas dans les statistiques du Covid. Nous vous demandons d'arrêter immédiatement cette expérience médicale effroyable sur l'humanité. Ce que vous appelez vaccination contre le SARS-CoV-2 est en fait une interférence blasphématoire avec la nature. Jamais auparavant, on avait tenté d'immuniser l'ensemble de la population mondiale en introduisant un ARN messager synthétique dans le corps humain. Il s'agit d'une expérience médicale à laquelle le code de Nuremberg doit être appliqué. Les 10 principes éthiques de ce document représentent un code de base de l'éthique médicale formulé au cours du procès médical de Nuremberg afin de garantir que les gens ne soient plus jamais soumis à des expériences et procédures médicales involontaires. Premier principe du code de Nuremberg, petit a. Le consentement volontaire du sujet est absolument essentiel. C'est-à-dire que la personne concernée doit être capable, au sens juridique, de donner son consentement, qu'elle doit pouvoir sans être influencée par la force, la fraude, la ruse, la pression, la prétention ou toute autre forme de persuasion ou de coercition, exercer son jugement. Qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisante du domaine en question, dans ses détails, afin d'être en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause. Petit b. Cette dernière condition impose qu'avant d'obtenir le consentement, le sujet soit informé de la nature, de la durée et du but de l'expérience, de la méthode et des moyens qui seront employés, des conséquences ou des dangers auxquels on peut raisonnablement s'attendre, ainsi que des conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation. Petit c. Le devoir et la responsabilité de déterminer la valeur du consentement incombe à toute personne qui ordonne, dirige ou effectue l'expérience. Il s'agit d'un devoir et d'une responsabilité personnelle qui ne peuvent être impunément transmis à d'autres. Revenons au petit a. On ne peut pas parler d'une décision libre. Les médias de masse répandent la peur et la panique et utilisent les règles de propagande de Goebbels en répétant des contre-vérités jusqu'à ce qu'elles soient crues. Depuis des semaines, ils appellent à l'ostracisme des personnes non vaccinées. S'il y a 80 ans, les Juifs étaient diabolisés comme étant à l'origine de maladies infectieuses, aujourd'hui ce sont les non vaccinés qui sont accusés de propager le virus. L'intégrité physique, la liberté de voyager, la liberté de travailler, le vivre ensemble ont été retirés aux gens afin de leur imposer la vaccination. Les enfants sont séduits par la vaccination contre la volonté de leurs parents. Revenons au petit B. Les 22 terribles effets secondaires déjà énumérés dans l'autorisation d'urgence du service du gouvernement américain de pharmacovigilance, appelé FDA, n'ont pas été communiqués au sujet testé. Nous les énumérerons ci-dessous pour le plus grand bénéfice du public mondial. Par définition, il n'y a jamais eu de consentement éclairé. Entre-temps, des milliers d'effets secondaires ont été enregistrés dans de nombreuses bases de données. Alors que les soi-disant nombres de cas sont diffusés dans tous les médias toutes les 30 minutes, il n'y a aucune indication sur les effets secondaires graves, ni sur la manière et l'endroit où les signaler. Pour autant que nous le sachions, même les effets secondaires signalés ont été supprimés à grande échelle dans toutes les bases de données. Le sixième principe du Code de Nuremberg exige que les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience envisagée. Il a été démontré que la vaccination contre le Covid est plus dangereuse que le Covid pour environ 99% des personnes. Comme l'a démontré l'université Johns Hopkins, dans une étude portant sur 48 000 enfants, le virus ne présente aucun risque pour les enfants. Leurs propres données montrent que des enfants pour lesquels le virus ne présente aucun risque ont subi des crises cardiaques après la vaccination. Plus de 15 000 enfants ont eu des effets secondaires, dont plus de 900 événements graves. À ce jour, au moins 16 adolescents sont morts après avoir été vaccinés aux États-Unis. Il est bien connu que seuls 1 à 10% des effets indésirables des vaccins sont signalés. Et à l'heure où nous écrivons, les chiffres augmentent rapidement. Le dixième principe du Code de Nuremberg. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet expérimental. Apparemment, 52% de la population mondiale a reçu au moins une vaccination. La publication honnête du nombre réel de personnes ayant été victimes des vaccins, gravement blessées et décédées dans le monde entier, aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Nous parlons maintenant de millions de personnes. Fournissez-nous maintenant le nombre réel de victimes du vaccin Covid. Combien de victimes des vaccins faudra-t-il encore pour réveiller votre conscience? Liste des effets indésirables connus par le service du gouvernement américain de pharmacovigilance avant l'autorisation d'urgence. Syndrome de Guillain-Barré, faiblesse musculaire. Encéphalomyélite aiguë disséminée, maladie du système nerveux central. Myélite transverse, inflammation de la moelle épinière. Encéphalite, encéphalomyélite, inflammation du cerveau ou de la moelle épinière, convulsions, crise d'épilepsie, attaque cérébrale, narcolepsie et cataplexie, maladie du sommeil, anaphylaxie, collapsus circulatoire dû à des réactions immunitaires, infarctus aigu du myocarde, crise cardiaque, myocardite, péricardite, inflammation du muscle cardiaque, maladie auto-immune, décès, résultat de grossesse et de naissance, autres maladies démyélinisantes aiguës, atteinte du système nerveux, réaction allergique non anaphylactique, réaction allergique sans collapsus circulatoire, thrombocytopénie, manque de plaquettes, coagulation intravasculaire disséminée, coagulation du sang dans les vaisseaux, thromboembolie veineuse, formation d'un caillot de sang dans une veine, arthrite et arthralgie, inflammation, douleur des articulations, maladie de Kawasaki, maladie systémique aiguë due à une inflammation des artères de petite et moyenne taille, syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, maladie aggravée par un vaccin. Signé, les survivants des camps de concentration nazis, leurs fils, filles et petits-enfants, y compris les personnes de bonne volonté et de bonne conscience. Les données personnelles des survivants de l'Holocauste et de leurs petits-enfants peuvent être mises à disposition à des fins d'authentification sur demande officielle. Dans une lettre ouverte, les données ne sont pas publiées afin de protéger les signataires contre des représailles. Pour la même raison, le contact n'est possible que par email.